questions, les mêmes déceptions. La peur au ventre pour pas couler, certains et c'est le son. Mais d'hiver en croisade, sale samedi soir, dingue. On se contente de barbesse comme à Dean Square Garden. Un monde pervers en rage et comme une fille cocu. Un film culte de Palma avec les flics cocu. On fait mal le bien, tant bien que mal mes frères. Mais ce qu'il y a de mal dans le bien, c'est qu'on a du mal à le faire. J'flaire plus leurs idéologies communautaires. Peur de mourir sans jamais avoir connu d'autre terre. Les échos du silence font beaucoup trop de bruit. Farit la nuit, un voile de ciment recouvre les débris. Ciel en déprime, qui pourra me prouver que j'ai tort? Le décor reste le même et pas le karma tru le tort. Un peu en France, la peur au ventre, un autre poisson dans l'océan. Un amphibien dans le néant, la haine est entraînante. Je vois leurs sales attitudes avec lassitude. Dans la tour de leur cauchemar, je les vois prendre de l'altitude. On gifle les deux joues si tu les tends à peine là. Peur au ventre, car dans cet endroit y'a plus de temps à perdre. Ça angoisse avec le temps, on se voit tirer des plombs. On s'inspire plus des bons, dans la bouche un bout de béton. La peur au ventre, de mourir sous un pont. La peur au ventre, la peur au ventre, la peur au ventre. J'sais pas vers où, mais à quoi ça sert? Ils ont verrouillé le verrou et appelé au nas. Que ça pète comme Beyrouth, au centre comme Beyrouth. Donc dur d'être ouvert, jaune rouge. Mais j'insiste dans mon entourage, qu'à la rage en tout, tous nos alentours. Allons tout droit dans trois détours. Le malin détourne tout, toujours et détourne. Dis, je ne peux faire ma charrière, je ne dirai que ma charrette et je ne dirai moi j'arrête. Mais le monde voit ici comme Charles et chéri, le lent chéri, le je te guide comme un charlet sur le tempo. Et c'est là que t'entends peu. Et toi tu dis comment on peut d'avoir peur de la danse po, de la dispo qui danse po, t'agis comme la Gestapo. Gestapo, ils veulent que tu laisses la peau. Traqué, braqué, c'est dans le dark de ta tête qui débarque et t'attaque. Je sais plus par où faut aller, partout des enfoirés. Maintenant on me compare au fou allié. Voyez, tout est incertain, même un destin, certains futurs sans dessin.